En plein désert, en pleine obsession. Libre comme l'air pour oublier rancœur et contrefaçon. Se relever d'une hésitation. Les yeux tournés vers les virages sans qui les qu'en dira-t-on. Les qu'en dira-t-on. Prendre le pouls de la déraison. Choisir pour nous le meilleur et le pire sans compensation. Prendre le pouls de la déraison. Choisir pour nous le meilleur et le pire sans compensation.